quelle situation suis-je autorisé à revenir dans la voie de droite? La situation 1? Oui, réponse A. Non, réponse B. La situation 2? Oui, réponse C. Non, réponse D.